pour condamner les manœuvres de provocation de guerre contre le Nord des bellicistes américains et sud-coréens qui conduisent la situation de la péninsule coréenne au seuil de guerre nucléaire, les présidents des directions locales de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, comme la métropole de Tokyo, le département de Hyogo et le département de Fukuoka, ont publié chacun le 3 mai une communication. Le président du présidium du comité central de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon, le président de l'Association des sociologues coréens au Japon et la vice-présidente du présidium du comité central de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon ont publié aussi le 2 mai les communications. Par ailleurs, l'Association des résidents coréens au Japon pour la réunification pacifique a publié le 2 mai une déclaration pour accuser les États-Unis et les autres États sud-coréennes qui livrent frénétiquement de grande envergure dans l'histoire les exercices de guerre nucléaire contre le Nord avec des centaines de milliers d'effectifs et les moyens de frappe nucléaire de pointe et qui conduisent la situation de la péninsule coréenne au seuil du déclenchement de guerre.